Léa. Non, de l'avant. Direct. Je t'ai fait un putain là. Il y avait un gamin, il m'a regardé. Il m'a même pas dit si ça allait bien, tout. Rien à foutre. Sans droit. Ma qui est où sans droit espoir aussi hein. Avec un compte pour l'île 75. Polini 75 avec un kit d'embrayage. Moi c'était un 75. J'avais le choix entre Polini ou Malossi. J'ai pris Polini. Le problème c'est que tous les 10 km il fallait tout resserrer sur le 103 parce que les vis elles se desserraient trop fort. Ils roulaient trop vite. Attends.